Salutations à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette lecture sur le New Age, qui est une voie spirituelle que je n'apprécie pas tellement. Mais bon, je vais essayer de rester impartial dans mon analyse. En premier lieu, il y a une question à propos de laquelle les historiens et les spécialistes n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est à savoir quand a eu lieu l'expansion du New Age. Certains avancent la fin du 19e siècle, ou d'autres évoquent la révolution hippie des années 60 aux États-Unis, qui était aussi une révolution culturelle, il ne faut pas l'oublier, et avec sa cohorte de spiritualité dite alternative, et moi je pense, et dont le New Age faisait partie du lot, et moi je suis partisan de cette théorie. Pour moi, c'est le mouvement hippie qui a donné au New Age ses lettres de noblesse. Maintenant, avant ça, les théories New Age existaient déjà, mais elles étaient soit toujours réservées à des cercles initiatiques, ou par exemple à certaines loges maçonniques, voire même carrément à des sociétés secrètes. Donc on ne pouvait pas vraiment parler d'expansion, puisque ce sont des enseignements qui n'étaient pas accessibles à n'importe qui. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait déjà une volonté du mouvement New Age de se rapprocher du pouvoir, mais nous allons revenir là-dessus plus tard. Alors, on va commencer à entrer dans le vif du sujet en parlant d'Elena Petrovna Blavatsky, qui est née en Ukraine en 1831 et qui est décédée au Royaume-Uni en 1891, et clairement, ça là-dessus on est tous d'accord, l'initiatrice du mouvement New Age. Donc Elena Petrovna Blavatsky est née dans une famille très aisée, ce qui lui a permis de faire de nombreux voyages dès qu'une fois l'âge adulte atteint, elle a pu se rendre ainsi dans plein de pays d'Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Orient, et ce sera au Tibet qu'elle prétendra avoir eu une rencontre avec les maîtres de sagesse. Alors, pour ce qui est des maîtres de sagesse, je vous invite à écouter ma lecture, mon expérience en magie, pour comprendre qui sont les maîtres de sagesse et surtout ce que moi-même je pense d'eux. Mais enfin soit, elle va recevoir comme consigne de former une religion universelle autour de laquelle tous les hommes pourront se retrouver. Donc c'était quand même un objectif, on va dire, relativement noble. Donc, Elena Petrovna Blavatsky va s'établir à New York en 1875 et en 1887, elle va sortir son premier ouvrage qui s'appelle Isis dévoilée, qui autant en anglais qu'en français est composé de deux tomes. Eh bien, je vous dis, moi je tiens à rester impartial. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un livre Isis dévoilé. Moi, je l'ai dévoré et non seulement vous apprenez plein de choses et vous ressentez cet effet de vouloir unifier ou réunir ce qui était épars. Donc voilà, ça c'est. Voilà, Isis dévoilé, pour moi, c'est vraiment le livre qui pour moi, définit au mieux ce que devrait être la pensée de la théosophie. Alors, Elena Blavatsky va continuer à voyager et elle va publier en 1888 ce qui sera la Bible, entre guillemets, de la société théosophique, c'est-à-dire la doctrine secrète, qui, en parenthèse, je le signale, a été rédigée en partie en Belgique. C'est ce que l'histoire nous apprend. Là, il y a un problème quand même avec la doctrine secrète. C'est que c'est un texte très, très, très, très hermétique et qui, de plus, se réclame. Ça, il y a déjà une contradiction. C'est que l'axiome, le slogan, si j'ose dire, de la société théosophique fondée en 1875, je le rappelle, l'axiome est « Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité ». Et puis vous avez cette doctrine secrète qui apparaît et qui se réclame du bouddhisme ésotérique. Donc, pour moi, il y a un petit peu une contradiction. Et comme je vous dis, il faut savoir que la doctrine secrète fait 3000 pages. Et en version anglophone, je n'en sais rien. Mais en version francophone, elle fait 5 tomes, plus un sixième tome qui a un glossaire et un index. Donc vous voyez un petit peu. Et donc, si vous n'êtes pas initié au bouddhisme ou à certaines philosophies orientales telles que l'hindouisme, vous n'allez rien comprendre au texte. Moi, j'étudie la Kabbale depuis 1998. Il m'a fallu aller jusqu'à apprendre l'hébreu biblique. Ben, je peux vous dire que c'est beaucoup plus simple. Ben, déjà, lire un texte de Kabbale et réellement le comprendre, c'est compliqué. Mais à côté de la doctrine secrète, c'est rien. Enfin, mais quand même, malgré tout, plus vous avancez dans l'ouvrage, plus il a quand même tendance à devenir relativement compréhensible. Pour en finir à cette citation, voilà, je vais recopier. Satan, l'ennemi de Dieu, est en réalité l'esprit divin le plus haut. Alors, vous êtes sur archive.org. À côté de la piste de lecture, à gauche, vous avez une image. Et normalement, vous avez un onglet See More, donc voir plus. Et si vous cliquez dessus, j'ai remis la citation avec Satan dans son entièreté. Moi, personnellement, qu'on vienne me parler de Satan au risque de choquer certains, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que, en fait, j'ai fait un réel effort et j'ai reconstitué les raisonnements, l'index en sixième tome de la doctrine secrète m'a très bien aidé, en fait. Et j'ai pu reconstituer les raisonnements d'Elena Petrovna Blavatsky. En fait, le problème, c'est qu'elle tord. Elle tord certains éléments qui sont en fait disparates, mais elle tord les concepts afin de les rendre faussement compatibles. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange dans la doctrine secrète. Et puis, bon, c'est pour en arriver à parler de Satan. Mais parlons-en directement. Voilà. Je vois pas pourquoi faire à tout un méli-mélo incompréhensible pour parvenir à une telle conclusion. Voilà. Maintenant, il faut savoir que la société théosophique va très bien se développer. Aujourd'hui, elle est présente dans de nombreux pays, dont la Belgique. Hein, elle est présente à Bruxelles et à Charleroi. Maintenant, ce qui me dérange un petit peu, c'est que la société théosophique qui a repris le mot loge pour désigner ces structures locales, moi, ça me dérange un petit peu parce que le mot loge est originellement attribué à la franc-maçonnerie et je trouve que reprendre ce terme pour la théosophie pourrait amener une confusion. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Moi, je ne saurais rien y faire. Donc je crois qu'il n'y a pas plus grand-chose à dire par rapport à Elena Petrovna Blavatsky. Alors nous allons aller en Croatie, où en 1861 va naître Rudolf Steiner, qui décédera en 1925 en Suisse. Rudolf Steiner va être membre de la Société théosophique et ainsi que il va être membre de la franc-maçonnerie, mais il va être initié directement au plus haut grade du rite ancien et primitif de Memphis Misraïm. le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm. Si vous avez écouté d'autres de mes lectures, vous savez que je suis franc-maçon. Le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, nous le nommons, nous, franc-maçons, parce que c'est plus court, on dit le rite égyptien. On peut reprocher à ce rite d'être un peu trop renfermé sur lui-même, mais toujours est-il qu'il est splendide et le lot d'enseignements qu'il apporte, de clés de réflexion qu'il apporte, est vraiment incroyable. Donc peut-être ferai-je une lecture un jour sur ce dernier. Enfin, soit. Donc Rudolf Steiner va être membre de la Société théosophique et il va très vite la quitter pour former sa fameuse Société anthroposophique. Alors l'anthroposophisme, c'est à peu près un copier-coller de la théosophie, sauf que Rudolf Steiner y insère comme axe central la notion du Christ initié. Alors qu'est-ce que le Christ initié? Ça vient de la gnose, la gnose étant le penchant mystique de du christianisme, au même titre auquel la Kabbale est le penchant mystique du judaïsme. Et le Christ initié, ce n'est pas plus seulement considérer Jésus comme étant le Messie et Sauveur, mais de le considérer comme un initié qu'il faut imiter en passant par un nombre incalculable de stades d'élévation spirituelle pour se rapprocher de lui. La gnose a un problème, l'Église a un problème avec la gnose, on peut comprendre, c'est que dans la partie exotérique du christianisme, il suffit d'ouvrir son cœur, c'est pas moi qui le dis, hein, moi je ne me revendique pas de la chrétienté, l'Église dit qu'il faut ouvrir son cœur et le Christ vient à l'individu qui l'appelle. Tandis que dans la gnose, c'est l'individu qui doit réellement, c'est l'individu qui va vers le Christ, et je l'ai dit, en passant par des états de conscience supérieurs, dont certains sont très éprouvants. Voilà. Donc Rudolf Steiner va introduire la gnose dans son autre anthroposophie. Donc voilà. Par contre, Rudolf Steiner va vouloir aussi appliquer cette théorie à l'enseignement. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il existe des écoles Steiner. C'est un avis qui n'engage que moi. Soyons bien clairs, hein, un avis personnel. Ce n'est pas une accusation de quoi que ce soit, c'est mon avis. Je ne suis pas partisan des écoles Steiner parce que pour avoir vu un reportage à la télévision, c'est un enseignement qui soumet les jeunes enfants à des rites ésotériques. Comme par exemple, je crois qu'il y avait la célébration du solstice. Nous, en je le répète, en franc-maçonnerie, nous célébrons le solstice avec un rituel. Mais d'une part, c'est un rituel qui n'a pas de portée magique. Et deuxièmement, on est adulte. Nous sommes adultes, nous savons ce que nous faisons. Maintenant, soumettre des enfants à des rituels ésotériques, moi, ça me dérange pour deux choses. De un, parce que je crois que les enfants ne peuvent pas connaître la nature d'un rituel ésotérique dans sa profondeur. Et d'une part, et d'autre part, est-ce que les énergies dans un rituel ésotérique, il y a toujours des énergies qui entrent en jeu, qui se dégagent ou qui viennent, qui sont présentes. Voilà, est-ce que c'est bon pour l'enfant ou pas, je n'en sais rien. Encore une fois, je ne vais pas lancer des accusations sur quelque chose que je n'ai pas vu de mes yeux vus. J'ai vu, mais au travers d'un écran de télévision, donc pour moi, c'est pas. J'essaie toujours de me baser sur l'expérience réelle pour avancer quelque chose. Donc je me pose des questions. Mais ma mère, étant logopède, elle a déjà eu dans sa patientèle des enfants provenant d'école Steiner. Il n'y avait aucun problème au niveau base de connaissances acquises et tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Donc de ce côté-là, on n'a pas à accuser les écoles Steiner de quoi que ce soit. Voilà, ça devait être dit. Mais en plus, le programme d'éducation de Rudolf Steiner pour les enfants est en vente, il est disponible sur Internet. Vous pouvez aller sur Amazon, vous pouvez l'acheter pour une somme très raisonnable. Et il est présent sur Amazon, il est aussi présent, à mon avis, sur la Fnac ou des librairies spécialisées. Mais enfin, bon, c'est toujours est-il qu'il n'est pas difficile à trouver. Par contre, Rudolf Steiner va vouloir appliquer ses méthodes à l'économie, mais ça, par contre, je ne sais pas s'il existe d'ouvrage qui en parle. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que je n'en ai pas vu. Voilà. Mais j'ai une petite anecdote. Donc, nous sommes en 2024 et vers 2009, un truc comme ça, il y avait une banque qui s'était créée en Belgique quelques années auparavant et qui s'appelait le Crédal. Et le Crédal disait ouvertement être inspiré des méthodes de Rudolf Steiner. Et donc, à un moment donné, il y a eu un changement dans l'équipe. Une restructuration dans l'équipe où je travaillais, et malheureusement, il y avait beaucoup de mésententes entre collègues, mais quand même des choses relativement graves. Donc, le chef de service avait engagé un monsieur pour faire venir ce qu'on appelle du team building, voilà, pour sacrifier au langage moderne. Et puis, après la première séance, je vais parler à ce monsieur, mais je ne me souviens plus de quoi, mais sûrement pas d'un truc spirituel ou ésotérique. Je sais plus, franchement, je ne sais plus de quoi je lui parle. Et il me dit, bah, écoute, tu peux m'appeler pour en discuter. Et il me donne sa carte de visite. Pardon. Et je vois que sur sa carte de visite, c'est inscrit qu'il occupe tel poste au Crédal, à cette fameuse banque. Et la semaine d'après, il revient pour la séance de team building suivante. Et à la fin de la réunion, je vais le voir et je dis, ah, Crédal se réclame des méthodes de Rudolf Steiner. Je dis, ça consiste en quoi? Je lui demande poliment. Et lui me répond agressivement, oh, qui dit, c'est très trop long à expliquer et puis ça ne te regarde pas. Ouais, bon, en plus pour quelqu'un qui est venu faire du team building, je crois que sa réaction n'était pas appropriée. Puis j'ai compris que bon, je lui cassais les pieds, je dis les pieds, c'est pour rester poli. Puis je ne lui ai plus parlé, puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Mais les méthodes économiques de Steiner, je ne les connais pas. Voilà. Maintenant, on va passer. À Max Händel. Max Händel est né en 1865 au Danemark et est décédé en 1919 aux États-Unis. Alors, c'est un compagnon de route de Rudolf Steiner, hein, puisqu'il va voyager un peu dans divers pays d'Europe en compagnie de Steiner. Il va être membre également membre de la Société théosophique. Et également franc-maçon, puisqu'il va pouvoir être initié dans une loge fondée par Rudolf Steiner. En fait, dans le rite ancien et primitif de Memphis-Israël, dès que vous atteignez le grade le plus haut, vous avez le droit de fonder des loges. Donc voilà. Comment? Mais seulement Max Händel va avoir une réflexion qui est tout à fait juste. c'est que la théosophie, justement, est beaucoup trop axée vers les philosophies orientales qui ne sont pas forcément adaptées à un public occidental et majoritairement chrétien, ou on peut dire judéo-chrétien. Mais lui, Max Endel, il ne va pas être contacté par les maîtres de sagesse, mais par un groupe qu'il appellera les frères aînés de la Rose-Croix et qui ne vivent pas sur notre plan visible. Donc voilà, on en est toujours dans l'histoire des fameux maîtres, des fameux grands initiés de l'invisible, etc. Et enfin, soit. Et il va fonder aux États-Unis en 1908 la Rosicrucian Fellowship, qui en français donne Association Rosicrucienne. Et il va publier en 1908 la Cosmogonie des Rose-Croix, qui pour moi est aussi un chef-d'œuvre d'ésotérisme. C'est de la gnose, c'est de l'ésotérisme chrétien, mais c'est écrit d'une manière du pas. Ce qui est fabuleux, c'est que le livre vous emmène vers la découverte de secrets, de choses vraiment profondes au niveau spirituel, et c'est rédigé d'une manière très claire afin que tout le monde puisse comprendre. Enfin, la Cosmogonie des Rose-Croix, c'est un ouvrage que je recommande. Moi, je l'ai lu au moins 3 fois, tellement bon. Enfin, je recommande vraiment ce livre. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a une organisation qui s'appelle l'Ordre des Esséniens ou la Nation Essénienne, c'est la même boutique. Donc nous sommes en 2024 et je crois qu'il y a 2 ans ou je ne sais plus, ils ont donc la Nation Essénienne ou l'Ordre des Esséniens, je ne sais pas, ont publié un livre qui s'appelle Cosmogonie de la Rose-Croix. Donc ben, ça peut apporter confusion avec le livre de Steiner, le livre de Handel. Le livre de Handel, c'est la cosmogonie des Rose-Croix et non de la Rose-Croix. Voilà. Et outre, bon, si la cosmogonie des Rose-Croix restera sa pièce maîtresse, Max Handel a écrit beaucoup de livres. Et c'est tout à fait remarquable. Ce sont des livres d'une grande, grande richesse. Il y a notamment un de ses ouvrages qui est paru, c'est anecdotique hein, ce que je dis ici, mais c'est intéressant tout de même. C'est qu'il a publié un livre qui s'appelle Franc-maçonnerie et catholicisme. Et donc, ben, il y a toujours une guéguerre entre la franc-maçonnerie et l'Église, puisque cette dernière a condamné la franc-maçonnerie en 1738 et la condamne toujours aujourd'hui, alors que dans cet ouvrage, Max Endel montre qu'il y a des ponts entre le catholicisme et la franc-maçonnerie. Et il va pour ça, il descend de nouveau, ou plutôt il s'élève, je crois qu'il faut plutôt dire qu'il s'élève, il s'élève dans des principes spirituels très élevés. Pour faire sa démonstration. Ben, je crois qu'en tant que franc-maçon, si vous m'écoutez et que vous êtes franc-maçon ou franc-maçonne, je vous invite à lire ce livre de Steiner, donc Franc-maçonnerie et catholicisme. Donc voilà, c'était la fin de ma petite parenthèse. Alors l'association Rosicruciane existe toujours aujourd'hui. Elle est présente dans de nombreux pays. Il y avait une antenne belge pendant tout un moment, mais elle a dû fermer par manque de membres, en fait. Mais vous pouvez suivre les cours de l'association par correspondance en vous affiliant à la branche française. Et donc, vous devez acheter la Cosmogonie des Rose-Croix. Qui est le syllabus d'études en fait. Hein. Et les cours sont gratuits. Donc voilà, c'est à souligner. C'est que les cours sont gratuits. Et cette gratuité d'ailleurs, encore une fois, il faut reconnaître, rendre à César ce qui lui appartient plutôt, c'est que souvent les sociétés qui se réclament de la théosophie, l'anthroposophie ou ce genre de choses, ou certaines branches de la Rose-Croix, pas toutes, ne font pas payer de cotisations. Elles vivent grâce aux publications des livres, mais elles veulent que les enseignements soient disponibles pour le plus de personnes. Et donc ça, c'est quelque chose de quand même remarquable et qu'il fallait souligner. Donc voilà. Maintenant, je vais en arriver à Alice Bailey, qui est une, comment vais-je dire moi, qui a vécu de 1880 à 1949, et qui prétendait encore, elle était encore membre de la Société théosophique aux États-Unis, et elle prétendait écrire sous la dictée d'un maître, encore un maître de sagesse, Jaul Cool, et elle a même rédigé en 1937 la grande invocation. Donc à ce moment-là, elle avait déjà quitté la Société théosophique. La grande invocation qui doit être lue par tout étudiant de la spiritualité ou par tous les groupes qui se réunissent. Donc je vais vous lire cette grande invocation, donc de 1937. Du point lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du centre où la volonté est connue, que le dessein guide le faible pouvoir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Voilà. Comment, enfin, quelques temps après la. J'aurais dû le dire, faire dans l'ordre, excusez-moi. En 1922, Alice Bailey va fonder le Lucifer Trust. Qui sera de nouveau une école proche des enseignements de la théosophie, mais qui ici aura vraiment une ambition politique et de lobbying, puisque le Lucifer. Au départ, ça ne s'appelait pas le Lucifer Trust, ça s'appelait le Lucifer Trust. Va s'associer à l'ONU. Donc l'ONU a été fondée en 1945. Et peu de temps après, le Lucifer Trust va s'affilier à l'ONU. Mais pour que la pilule passe plus facilement, on va changer de nom et va se faire appeler le Lucifer Trust. Et vous pouvez encore aller vérifier aujourd'hui que, mais tant sur le site de l'ONU que sur le site du Lucifer Trust, que je ne raconte pas n'importe quoi, que le Lucifer Trust est bien une des associations consultantes de l'ONU. Et en fait, le but, je ne veux pas tomber dans le conspirationnisme, mais quand c'est vrai, c'est vrai. Le but du Lucifer Trust est de créer cette fameuse religion universelle qui réunirait tous les hommes. Mais ici, elle a beaucoup plus de moyens que le faire que la société théosophique en aurait. Donc voilà. Sinon, j'ai pas, moi, je n'aime pas cet esprit de lobbying. Mais bon, voilà, toujours est-il qu'il est d'actualité avec le Lucifer Trust, qui, je le rappelle, au départ s'appelait le Lucifer Trust, mais dans le New Age, Lucifer n'a pas une connotation négative, puisqu'il est celui qui apporte la connaissance. Et je dois dire que moi non plus, enfin, en ce qui me concerne, j'ai pas trop de problèmes avec Lucifer quand il est présenté sous cette forme-là. Donc voilà. Alors maintenant, on va voir des choses étonnantes émaner du New Age en général. C'est que, par exemple, je n'ai jamais entendu parler de ça en franc-maçonnerie. Hein, donc la franc-maçonnerie n'est pas a priori concernée par ce que je vais dire. Enfin, il y a une petite exception quand même, mais enfin, je vais y venir. C'est que le New Age va développer certaines associations se réclamant du New Age vont mettre en route des pratiques rituelles qui vont être adoptées par des rivales, par des associations parfois rivales, notamment dans la Rose-Croix en général, les différentes branches ne s'entendent pas très bien, mais elles vont tous adopter deux rituels. Le rituel de midi, alors là, ben, c'est tout simple, c'est une méditation qu'il faut faire tous les jours à midi pendant 10 minutes, et dans laquelle on visualise un rayon doré qui se transmet à tous les étudiants de la spiritualité à travers le monde, où qu'ils soient. Et puis il y a le rituel du jeudi, qui là est un peu plus long. Et là, il n'est pas question d'envoyer de l'aide uniquement aux étudiants de la spiritualité, mais d'envoyer des ondes positives au monde entier, hein, en faisant une autre visualisation qui est de faire partir un rayon de lumière, visualiser en tout cas des rayons de lumière qui partent de notre crâne, qui montent très haut dans l'espace et puis qui retombent sur la Terre, un peu comme un jet d'eau. Voilà. Et donc, le jeudi est pour beaucoup même en dehors du New Age, le jeudi est un jour entre guillemets béni pour les initiés qui disent que ils sont convaincus d'apporter du positif à l'humanité. Bon, vous allez me dire, ça ne mange pas beaucoup de pain, si ça peut. Voilà, enfin, il n'y a rien de mal là-dedans. Moi, je vous dis, ce qui me dérange, c'est cette histoire de religion universelle. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais en tout cas, je suis pas dans le complotisme. Je peux vous dire que le Lucis Trust est une organisation puissante qui a beaucoup de poids et qui est capable d'arriver à pas mal de choses. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui, finalement, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qui me dérange dans le New Age, puisque bon, je n'ai pas trop parlé de trucs négatifs. Mais ce qui me dérange dans le New Age, c'est toujours cette manie d'avancer à masquer. Par exemple, vous allez lire je ne saurais pas citer tous les auteurs de New Age, parce qu'il y en a beaucoup. Mais même au niveau du Lucis Trust ou encore de la Société Théosophique, Steiner, lui, est beaucoup plus clair quand dans son œuvre. Mais par exemple, par rapport à la Société Théosophique ou encore au Lucis Trust, c'est cette manière d'avancer masquée. Pardon, excusez-moi. À la rigueur, on va vous parler de Stapin, si on ne va pas vous parler d'arc-en-ciel et de petits poneys. Et en fait, on est en train de vous parler de démons, en fait. Donc ça, c'est un peu un problème. En tout cas, dans ma conscience, c'est un peu un problème. Moi, si je veux parler du diable ou de Lucifer ou un démon à quelqu'un, ben je le fais. Je passe pas par des circonvolutions inutiles et trompeuses. Ça, c'est quelque chose qui me dérange dans le New Age. C'est que le New Age a vraiment repris à son compte. Au départ, c'est noble, on peut pas dire que c'est mauvais. Des pratiques initiatiques très anciennes qui dataient des siècles passés et qui les a remis à sa sauce, mais en laissant tomber beaucoup de choses. Et c'est un principe en ésotérisme. D'ailleurs, je vais y venir après et vous expliquer comment moi-même j'en ai été victime. Dans l'ésotérisme, si vous présentez une forme, une pratique, on va dire, qui inclut la participation de certaines entités, eh bien, ce n'est pas parce que vous ne citez pas les entités en question qu'elles ne sont pas présentes. Et c'est donc pour ça que le New Age est quelque chose de risqué. Allez, ben voilà, un très bon exemple. La magie de l'amour. Donc tout ce qui touche à la magie pour être aimé, refaire grandir l'être aimé, machin, et bazar. Ce sont des genres d'ouvrages qui ont explosé dans les années 60. C'est pour ça que je pense que le New Age a explosé à ce moment-là. Et ont eu un succès incroyable et ont encore un succès incroyable. Les livres de magie de l'amour, on appelle ça. On parle même de magie rose, donc vous imaginez au point où on en est. Ça c'est typiquement les livres de New Age dangereux. Parce que déjà, je trouve que manipuler l'esprit de quelqu'un pour qu'il vous aime ou qu'il revienne, vers vous alors qu'il y a eu des problèmes, je suis désolé, ça s'appelle de la manipulation mentale, déjà de 1. Donc déjà pour moi c'est déjà pas bon au départ. Et puis de 2, on vous présente ça, j'avais trouvé un lot de livres ésotériques à une brocante près de chez moi. Je sais plus, j'avais payé mais vraiment du style 40 € pour 30 livres, quoi. Enfin, j'avais fait une affaire. Et mais il y avait 2 livres de magie de l'amour dans le lot. Et donc on voyait que ça faisait appel à des rituels d'une simplicité, présentés comme étant très simples, mais pour les initiés, qui sont réellement initiés en magie, ce qui est mon cas, nous savons très bien que dans ces rituels, il y a des démons qui sont à l'œuvre. Ce ne sont pas des anges, vous ne savez pas, ce ne sont pas les anges qui manipulent les gens, ce sont les démons. Donc voilà, c'est un exemple typique de ce que je reproche au New Age. Et puis je l'ai dit, je crois que je le répète, je le répète encore une fois, c'est ce lobbying au niveau des Nations Unies qui me dérange beaucoup. Alors, où en suis-je ? Que dire maintenant ? Oui, maintenant, vous devez savoir que je souffre d'une pathologie qui s'appelle la bipolarité. Et en plus, je suis de type 1, qui est malheureusement la forme la plus aiguë de la pathologie. Donc, je suis souvent amené à être hospitalisé, au mieux 2 fois par an, au pire 3 fois. Et je m'étais dit quand même, parce que hospitalisé depuis des années, je m'étais dit, mais il me semble qu'il y a des pratiques ésotériques qui pénètre la psychiatrie. Bon, il y avait déjà, les séances de sophrologie. Il n'y a rien de mal dans la sophrologie, c'est très light. Mais en fait, c'est de la méditation guidée. Ça apparaît déjà dans les grimoires du 17e et du 18e siècle. Ce sont des méditations qui, certes, ont pour but de rendre, d'apporter une quiétude à celui qui médite, mais ça lui permet de 2 autres choses. C'est de percevoir ce qui relève de l'invisible, entre guillemets, et de faire connaissance, si j'ose dire, avec son propre corps astral. Mais encore une fois, même si on ne parle pas, un sophrologue, je ne sais pas s'il y a des sophrologues qui parlent de ça, mais encore une fois, ce sont des mécanismes qui font appel à des sphères d'énergie et qui ne sont pas forcément mauvaises dans le cadre de la sophrologie, mais qui sont là quand même. Et donc, moi, je trouve que le patient devrait être au courant, mis au courant de cela. Mais je crois que les sophrologues eux-mêmes ne le savent pas parce que ça aussi, c'est un autre problème du New Age. C'est de. Non seulement ils cachent des choses dans leurs enseignements, mais vu, ça se perpétue au travers des générations et ils sont en général des personnes de très bonne volonté, mais qui ne prennent pas le temps de retourner aux racines de leur pratique pour voir exactement de quoi on parle. Pour moi, c'est ça le problème. Mais bon, ok, sophrologie, bon, ça va, c'est pas très grave. Mais la psychiatre qui me suivait à l'hôpital, qui m'a suivi pendant des années, m'a fait participer, et ça, c'est un truc qui fait un carton dans les soins psychiatriques, c'est la méditation en pleine conscience. Alors, qu'est-ce que la pleine conscience? C'est simplement une méditation orientale dont qui a été dépouillée de toutes ses références religieuses. Pour le dire d'une manière, mais là je reprendrai la définition ésotérique, c'est de devenir une fixité dans le mouvement. C'est-à-dire de vous mettre dans un état spirituel où il n'y a plus de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a que le présent et tout ce que vous ressentez doit être accueilli de manière neutre, sans apporter, sans considérer que certaines choses sont mal et que certaines choses sont bien. Simplement accepter son ressenti, quel qu'il soit. Bon, ben, c'est tout à fait louable. Et donc la psychiatre me demande d'assister aux séances de pleine conscience à l'hôpital. Et ce sont des séances d'une heure, c'était des séances d'une heure, mais le temps que tout le monde arrive, que l'infirmière animatrice explique un petit peu comment ça va se dérouler, on ne fait pas une heure en général, on fait 40 minutes ou 45 minutes de méditation de pleine conscience. Et donc moi je dois dire que je sortais de là très bien, je me sentais très bien dans ma peau, j'avais comme une espèce de sentiment de légèreté, ça me plaisait beaucoup, et j'en avais fait part à la psychiatre qui m'avait dit oui, mais il faut faire attention, vous ne pouvez pas faire de pleine conscience si vous êtes en phase haute. Je vous invite à peut-être vous renseigner sur la bipolarité si vous ne connaissez pas bien cette maladie. En fait, quand nous sommes en phase haute, le premier, quand nous sommes en phase basse, nous sommes extrêmement déprimés et on n'a pas de motivation pour les choses, tandis que la phase haute, c'est tout l'inverse. On ne dort quasi plus, on est hyper en forme, on a envie de faire plein de trucs, et le danger, c'est que, vu que nous avons le sentiment de bien aller, pour nous, ce sont les autres qui s'imaginent des choses. Moi, j'ai la chance d'avoir un entourage très aimant autour de moi, qui voilà, dès qu'ils voient que je pars en phase haute, arrive à réagir comme il se doit. Mais j'imagine une personne plus isolée qui est en phase haute et qui part, parce que le psychiatre lui a dit que c'était bien, et qui part à une séance de pleine conscience, bon, ben ça me fait peur, quoi, pour certaines personnes, dont des personnes que je connais personnellement. Mais voilà, mais déjà qu'on puisse pas faire de pleine conscience lorsqu'on est en phase haute, je crois que ça devrait déjà mettre la puce à l'oreille. Donc voilà, au terme de l'hospitalisation, la psychiatre me dit, ah ben monsieur, ce serait peut-être bien que vous vous inscriviez dans un club de pleine conscience. Et elle me remet une documentation que je lis, et je me dis, ouais, bon, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais bon, on ne s'ennuyait pas trop dans ce truc-là. C'était 300 euros pour 6 séances. Et ça avait lieu le samedi matin. Bon, ça, c'est juste un détail. Mais en fait, de nouveau, on faisait pas trois, il n'y avait pas de pause, hein, mais on ne faisait pas 3 heures de pleine conscience tout à fait. Le temps de nouveau que tout le monde arrive, s'installe, etc. On faisait 2h40 ou 2h45 de pleine conscience, sans interruption. Et un des deux animateurs se réclamait ouvertement du bouddhisme. Bon, ça n'y a aucun problème avec le bouddhiste, c'est pas un crime. Mais il disait, il insistait bien que tout était dépouillé de caractère religieux. Mais là, c'est encore la même limonade. Il y a des forces qui sont à l'œuvre là-dedans. Il y a des formes pensées, il y a des entités. Et ce n'est pas parce qu'on ne les nomme pas qu'elles ne sont pas présentes. Et moi, quand je ressortais de ces séances de pleine conscience qui duraient quasi 3 heures, eh bien, j'étais tout mal, j'étais carrément en état de décorporation, c'est-à-dire que je marchais devant mon corps. C'est très difficile à expliquer, c'est-à-dire que vous marchez, mais vous sentez, dans votre dos, vous sentez le début de votre corps physique, quoi. Votre corps astral n'est plus tout à fait dans votre corps physique, et j'avais du mal à m'en remettre. Je vais la semaine suivante, je sors de là, idem, hyper mal. Puis je me suis dit, c'est pour aller là-bas et sortir plus mal quand je sors que quand je suis rentré, j'y vais plus. Et bon, j'ai perdu beaucoup d'argent, 300 euros, c'est quand même pas rien. Mais c'était pas remboursable. Et puis bon, c'est mon bien-être qui passe avant. Donc je n'y suis plus allé. Puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne vais pas détailler parce que ça n'a aucun intérêt dans le cadre de cette lecture. J'ai changé d'hôpital. Et je ne le citerai pas, mais je suis dans l'hôpital où les soins sont de bien meilleure qualité. Quand j'étais petit, j'ai eu un trauma très grave que j'ai mis des années à résoudre, c'est-à-dire à le mettre dans une boîte, refermer la boîte et dire c'est le passé. Je ne saurais plus rien y changer. Mais c'est inscrit dans mon dossier médical. Et donc la psychiatre qui avait récupéré le dossier me dit, mais monsieur, on peut croire que c'est fini, mais il peut rester des résidus, etc. etc. Et donc elle m'a prescrit des séances d'hypnose avec la psychologue, mais il faut savoir qu'en hôpital psychiatrique, vous devez suivre absolument les prescriptions du psychiatre. Et si vous ne les suivez pas, on peut mettre fin à votre séjour parce qu'ils peuvent trouver que vous n'acceptez pas de vous soigner. Et ça, je le comprends tout à fait. Hein, je le comprends. Ça, c'est clair et net. C'est un avis que je partage. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que j'avais un peu peur d'aller en hypnose. Voilà. J'ai pas contesté, hein. J'ai dit ok, pas de problème. Mais j'avais un peu peur, mais je crois que c'est parce que j'étais inspiré par le mesmérisme, donc ce qui est l'hypnose de spectacle, en fait. Et donc j'ai fait des séances d'hypnose. Et là, carrément, c'est une forme, ça ressemblait un peu à la sophrologie, sauf que c'était beaucoup plus profond. On faisait appel beaucoup plus aux sentiments, aux ressentis, c'est-à-dire est-ce que j'ai chaud, est-ce que vous avez froid, machin, bazar. Et je me suis trouvé en état de décorporation totale, quoi. Je tournais la tête, je me voyais assis dans le fauteuil. J'étais vraiment en décorporation. J'avais appris qu'il y a des personnes qui se faisaient opérer sous hypnose. J'y croyais pas trop, mais là, je ne sentais plus du tout mon corps physique. Mais il y a quand même une question qui reste en suspens. C'est que normalement, quand vous êtes en voyage astral, normalement, dès qu'on touche votre corps physique, vous revenez directement dans celui-ci. C'est en fait, entre guillemets, une, une mesure de sécurité que nous a donnée la nature, afin qu'on ne puisse pas nous s'en prendre à nous pendant que nous sommes dans l'astral. Maintenant, est-ce que les personnes qui se mettent en voyage astral pendant qu'on les opère, est-ce qu'elles donnent l'autorisation à ce qu'on touche leur corps? Est-ce qu'il y a un rituel de consentement ou je ne sais pas? Ça, c'est une question à laquelle j'aimerais bien avoir une réponse, mais sans doute je l'aurai un jour. Mais en tout cas, moi, avec ces séances d'hypnose-là, je n'étais plus dans mon corps du tout. Et d'ailleurs, à la fin de la séance, la psychologue tapotait sur mes genoux pour dire est-ce que vous êtes bien là? Donc, elle avait conscience, je ne sais pas si elle avait vraiment conscience qu'il pouvait avoir des corporations, mais c'est clair qu'elle était au courant, ou peut-être pour elle, il y avait une perte de la sensibilité, et enfin, je n'en sais rien. Mais, et après aussi, cette même psychologue travaillait avec des oracles, avec un oracle, pardon, qui s'appelait, ou qui s'appelle les cartes de lumière, si je ne m'abuse, et vous pouvez le trouver encore facilement dans les boutiques ésotériques ou sur Amazon, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas voulu travailler avec ces cartes parce que je lui ai expliqué que je connaissais déjà très bien le fonctionnement des oracles, que moi notamment ma spécialité c'était le petit Lenormand et ensuite le tarot, et que bon, je comprenais bien que le tirage de cartes c'était faire appel à des choses qui étaient à l'intérieur de moi-même, dans mon subconscient, pour les faire ressortir et parler. Et la psychologue était très étonnée que je sois au courant de ce fonctionnement-là, mais bon, j'étais au courant, voilà, et c'était pas tellement ce que j'avais envie de faire sur le moment, mais elle a respecté mon choix, et nous avons eu des séances plus classiques, quoi. Donc voilà, mais de toute façon, toutes ces méthodes ésotériques, New Age et tout ce que vous voulez, l'hypnose et compagnie, si c'était présenté tel quel, dans la forme originale, telle que c'est présenté dans les grimoires, ou les vieux livres d'ésotérisme, aucun psychiatre sensé n'accepterait qu'une de ces techniques soit pratiquée dans son service. Hein. Encore une fois, c'est le danger du New Age, c'est de présenter les choses d'une manière lisse, accessible, inoffensive, alors que il y a des enjeux, encore une fois, en termes d'entité et d'énergie derrière tout ça, qui est vraiment considérable et avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Donc voilà, ben j'arrive à la fin de mon enregistrement. J'espère que cela vous a plu. Et si vous avez des questions, ben je suis là pour y répondre. Merci beaucoup, à bientôt.